Le 3 août, le porte-parole du Conseil des croyants de Corée a publié une communication en guise de soutien à la lutte des habitants et croyants sud-coréens contre la disposition de SAD. Il note « Ces jours-ci, la Corée du Sud devient le théâtre de la lutte de différents milieux contre la disposition de SAD américain et s'y joignent activement les croyants aussi. La lutte des formations religieuses et de différents milieux sud-coréens est tout à fait juste car elle a pour but d'arrêter les actes d'agression des États-Unis qui cherchent à transformer le territoire sud-coréen en base militaire avancée pour leur stratégie d'hégémonie mondiale et à le transformer en champ de guerre nucléaire et de sauvegarder la terre sacrée du bouddhisme Won, religion nationale. Le Conseil des croyants de Corée condamne vertement la haute trahison des autorités sud-coréennes qui se démènent frénétiquement pour offrir le territoire national et même la terre sacrée religieuse aux États-Unis pour y déclencher une guerre nucléaire et témoigne du soutien absolu à la lutte des habitants et croyants sud-coréens contre la disposition de SAD et pour la sauvegarde de la terre sacrée. Sans se contenter d'avoir toléré la disposition de l'armement démoniaque américain promue par la bande des traîtres de Bakounet, les autorités sud-coréennes mettent en cause les mesures d'autodéfense justes de notre République et se hâtent pour la disposition supplémentaire tout en flattant les États-Unis. Leur démarche est une dérision et une traîtrise à l'opinion publique inspirée de la lutte à la bougie et une conduite sécessionniste contre la nation à jamais intolérable. Tous les croyants du Nord, du Sud et de la diaspora sont appelés à s'engager vigoureusement sans égard à la différence de croyance dans la lutte sacrée de justice contre la disposition de SAD, source de la guerre sur ce territoire.